En espagnol, découvrir se dit descubrir. Couvrir se dit en effet couvrir. Et pour indiquer que l'on enlève quelque chose, on utilise ici le préfixe dé en français et des, des en espagnol. Le préfixe dé devient souvent des en espagnol. Donc, comment diriez-vous « je veux découvrir les secrets de l'univers »? Quiero descubrir los secretos del universo. Quiero descubrir los secretos del universo. Aviez-vous deviné secretos pour secret? Il y avait aussi une autre petite difficulté que vous n'avez peut-être pas réussi à déjouer. De l'univers se dit del universo. En effet, les deux E de DL ne sont pas faciles à dire et se sont progressivement contractés en DEL. C'est comme DU en français, qui est le résultat de la contraction de plus LE. On ne dirait jamais « tu as mangé de le pain ». En espagnol, on ne dit jamais non plus « a el », mais « al », qui s'écrit « a el ». On dira par exemple « voy todos los días al supermercado ». Je vais tous les jours au supermarché. On utilise « al » et non « a el ». En français, « au » a u et aussi la contraction de a plus le. C'est une autre petite habitude que vous devrez prendre, mais celle-ci vient assez rapidement. Si en espagnol porte se dit puerta, p u e r t a, et ouvrir, abrir, a b r i r, comment direz-vous? S'il vous plaît, n'ouvrez pas la porte. Réfléchissez bien avant de dire la phrase. Por favor, no abra la puerta. Por favor, no abra la puerta. Il faut changer de terminaison lorsque l'on donne un ordre négatif. Et quand le verbe se finit par ir, il faut prendre les terminaisons en a. Sachant que l'on est en train de voir les verbes en ir, comment diriez-vous prohiber en espagnol? Très bien. Prohibir. P-R-O-H-I-B-I-R. Bon, il est vrai que l'on dit plutôt interdire en français, mais je vous l'ai donné pour vous faire deviner prohibir. Donc, comment diriez-vous en utilisant hay que pour il faut? Il faut interdire les films violents. Pour retrouver le mot film, pensez à pellicule. Hay que prohibir las películas violentas. C'est un peu radical comme phrase. Hay que prohibir las películas violentas. Fête se dit fiesta. F-I-E-S-T-A. Tiens, encore un mot dont l'accent circonflexe est rendu par un S en espagnol. Voyons maintenant si vous pouvez relever ce défi. Il insiste pour que je vienne à la fête. Notez que l'on a bien vienne en français. Insiste en que venga a la fiesta. Insiste en que venga a la fiesta. Il ne fallait pas oublier en que et il fallait aussi devenir gaga. Voici un autre exemple de verbe gaga. Comment diriez-vous en utilisant verdad, V-E-R-D-A-D pour vérité? Ils insistent pour que nous disions toujours la vérité. Insisten en que digamos siempre la verdad. Insisten en que digamos siempre la verdad. Avant de quitter nos amis en ir, réutilisons un verbe que nous avons déjà vu dans la première partie de cette méthode. Il s'agit d'assister. Comment diriez-vous? J'ai assisté à la réunion d'hier, mais je n'ai rien dit. Dites d'abord, j'ai assisté à la réunion d'hier. Assisti à la réunion d'hier. Assisti à la réunion d'hier. mais je n'ai rien dit. Faites attention ici. Rien se place après le verbe en espagnol. Pero no dije nada. Pero no dije nada. Redis toute la phrase. J'ai assisté à la réunion, mais je n'ai rien dit. Assisté à la réunion de ayer, pero no dije nada. Assisté à la réunion de ayer, pero no dije nada. J'espère que vous avez bien placé nada après le verbe. Le verbe decir est assez rebelle. Il devient au passé sans plongeoir dijiste pour tu as dit, dijo pour il ou elle a dit, dijimos pour nous avons dit et dijeron pour ils ou elles ont dit. Revenons au verbe assistir. Dites-moi, il n'a pas assisté à la réunion. No asistió a la reunión. No asistió a la reunión. Et pour terminer, si sommeil se dit sueño, S-U-E-N avec tilde O, comment diriez-vous j'ai sommeil, je veux dormir un peu? Tengo sueño, quiero dormir un poco. Tengo sueño, quiero dormir un poco. Mais ne vous endormez pas encore. Hein? Nous avons encore beaucoup de choses à voir.